Yeah. L'eau, ça n'est pas une enflure, il a juste quelques lacunes. Je vais pas décrocher la lune, puisque t'en as déjà une. Que celui qui veut me faire la peau rejoigne les autres dans la file. Pardonne-moi, je voulais juste entrer dans toi, pas dans ta vie. Que vais-je faire tous ces ennemis qui veulent me stopper dans ma lutte? Jadis frère qui aujourd'hui dans l'ombre œuvre pour ma chute. Je fais du stup, je fais du stup, je reçois prod, je reçois nut. Dans la salle du temps je me bute, car dehors les temps sont rudes. Je suis en solitaire dans l'âme, programmé pour tout cramer. Mieux miser sur une bonne arme plutôt que sur une bonne armée. Je pense qu'à l'heure ôter la vie pendant que le prêtre prêche. Soir je ne dors pas de la nuit, je sais où tous ces traîtres crèchent. L'eau ça n'est pas une enflure, il a juste quelques lacunes. Je vais pas décrocher la lune puisque t'en as déjà une. Que celui qui veut me faire la peau rejoigne les autres dans la file. Pardonne-moi, je voulais juste entrer dans toi, pas dans ta vie. Hey, hey. À chaque jour suffit sa pute. Hey, hey. À chaque jour suffit ça. Bébé, je dois faire des lovés. Y'a que dans le sac que je sais innover. Je suis pas venu délivrer les désœuvrés, car j'ai déjà ma propre âme à sauver. Reproche pas celui qui a froid de vouloir sauter dans le feu. Les mecs fument vers chez moi sans qu'il y ait un euro en jeu. Je me demande ce qui est le plus important entre bien faire et faire le bien. J'ai envie de tout, mais besoin de rien sauf faire le point et faire le plein. J'ai un flemme avec les lois qui s'appliquent pas, qui les fixent. J'aimerais que la vraie vie des fois prenne exemple sur celle des films. Et le jour de mon enterrement, je n'aurai que faire de tous bif. Je veux pas vivre éternellement, je veux que ce que j'ai construit me survive. L'eau ça n'est pas une enflure, il a juste quelques lacunes. Je vais pas décrocher la lune, puisque t'en as déjà une. Que celui qui veut me faire la peau rejoigne les autres dans la file. Pardonne-moi, je voulais juste entrer dans toi, pas dans ta vie. Hey, hey, hey. À chaque jour suffit sa pute. Hey, hey, hey. À chaque jour suffit ça. Bébé, je dois faire des lovés. Y'a que dans le sac que je sais innover. Je suis pas venu délivrer les désœuvrés, car j'ai déjà ma propre âme à sauver. Je voulais juste entrer en toi, pas dans ta vie. Je voulais juste entrer en toi, pas dans ta vie. Je voulais juste entrer en toi, pas dans ta vie. À chaque jour suffit ça. Je voulais juste entrer en toi, pas dans ta vie.